Tous ces jeunes vivent dans l'illusion. Ils pensent devenir des stars. Veuillez accueillir des magiciens du genre Manuel Ouzaïr. Je cherche le coup de maître à la Velasquez Diego. L'humour critique à la Vasquez des Solas. Mais quand j'arrose mes textes de Belize en solo, l'Amsterdam et la Zeb me font la hola. Les verres des riz, sauce Basquez ou paprika. De toute façon, pas vu, pas pris, donc pas trica. Je serai pas un MC fini, congelé chez Picard. Ou un rappeur de chambre avant la scène qui va t'y part. Je me sape en Emmaüs plus qu'en Timberland. L'art de la langue m'habille, tandis que d'autres languillent d'avoir de la crédibilité. Être accrédité Alfonso Caponi. Moi, en Albany, je suis transparent, aussi blanc que Palmolive. Une gueule à faire de la pub pour de la lessive. Je suis le cliché d'un beauf, t'as raison. Tant que t'as pas vu le tirage, ça reste flou comme l'euro million. Devenir star par procuration révèle le malaise identitaire de ces jeunes. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Deuxième couplet. Nous allons parler des femmes. J'ai vu la lumière d'une étoile à travers le cul de Katsumi. Dans le sudoku des vécus, on cherche réponse aux énigmes. Mais de cul de sac à sans but, seuls les rêves qu'on s'envenime. Tu veux le trophée de tant de choses, t'en as trophée pour peu de choses. Être un people te passionne, t'as une paire d'as, pas de game flush. Je te promets monde et merveilles, comme Alice au pays des grosses fers. Joue pénis chez les belles vierges, tu suffis de bouger tes fesses. Sur un beat qui conforme, mettre en valeur tes formes, ne pas avoir froid au corps. Prostitution banalisée, pornographie télévisée. Promotion plus que jamais, canapé félicité. Rien de love. Faire la lilote au pléonasme. Les hommes aiment les petites idiotes qui poupent direct la banane. Le tout devant une cam, ça commence toujours par des photos de chat. Tu voulais être comédienne et tu finis poubelle de sperme dans un film. Ah, c'est la magie du show business. Un trou de balle qui sent le fric. Veste ou principe qui mate son nombril. Sans doute un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Je vais vous faire un petit tour de carte. Ouais. Enfin, tenez un jeu. Hop, hop. Voilà, hop. Voilà, vas-y, montre. Hop, ça marche pas. Hop. C'est quoi ce bordel? Tapis. Eh hey, mon fric. Les artistes forniquent avec la politique. Les politiques forniquent avec les journalistes. La formation se régolie, démocratie démagogique. Depuis que le PAUMP recrute des gadins pour son loto, Doc Gynéco a cru que Sarko était son copain. Génération Skyrock, génération Star, génération je veux ça. Sans lever le petit doigt, magiquement oisif, votre carotte du chômage à la mort. Les courses, vous savez, c'est ma grande passion. Les courses avec Magie, magie, c'est la musique d'aujourd'hui. En prestidigitateur, c'est clair, je me pose là. Mais en Gigi l'animateur, j'aurai mon mausolée. Pour ça, la régie m'ordonne qu'Isaïe soit muselé. De peur que la presta se transforme en pugilat purée. La magie, c'est comme la cuisine du bled. Y'a pas moyen sans l'huile d'olive extra vierge. Alors, regarde par là, un coup de baguette, un tour de carte. C'était Speedy Gonzalez sans Fantomas. Mon premier est un mexicain connu. Zavata. Et mon deuxième est une trottinette. Ludor. Maradona, compose, je sais pas moi. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Peut-être un grand illusionniste. Essaye de savoir qui est derrière ce mic. Le rap français ainsi que son bling bling story, c'est un grand illusionniste. Cette ombre qui cache notre forêt par ses playlists en radio, hein. Une grande illusionniste. Le showbiz, les petites fesses, ces pauvres filles qui se la pètent sont des grands illusionnistes. Isaïe ou Zahir dans un style hardcore, c'est peut-être un grand illusionniste. Zoom avec ses conneries, ses délires, c'est peut-être un grand illusionniste. Et nombreux d'entre vous dans le public sont